Chapitre 2. Nous avons de l'eau pour éteindre ces feux, mais le feu sans fumée qui brûle mon cœur, aucune eau ne peut l'éteindre. Kim Tok-yong. J'arrivais aux abords de la bibliothèque royale de Xantir alors que le soleil était à son zénith. D'après les descriptions de mes amis, j'avais supposé, sans vraiment me le représenter, un lieu particulièrement impressionnant et dans un même temps indescriptible pour la pensée humaine. Je ne m'attendais certes pas à ce qui était apparu si soudainement devant mes yeux. Lorsqu'il m'avait lui-même remis les laissez-passer pour traverser l'île, le roi Imrold, avec un de ses rares sourires qui touche toujours si profondément l'âme, m'avait dit « Vous verrez bien des secrets de mon île. » Il avait tourné son regard vers l'immensité de l'Opavalta, l'océan qu'on découvrait au travers des immenses voûtes végétales qui habillent le palais au sommet des falaises de Rundbat. Pour la première fois, le roi Imrold avait eu ce langage si intime en parlant de son île. Lui, auquel tout appartenait, ne retenait de tout cela que son île. Cela m'avait bouleversé, car je connaissais déjà en partie l'immense puissance de cet être si secret. Qu'il me parlât ainsi de son île, à ce moment-là, était pour moi une confidence dont je pouvais appréhender la dimension. Je sentis la force qui m'habitait parfois se raviver, et c'est avec une énergie sereine que je pris les documents. Je souris et lançai malicieusement pour cacher mon embarras. « Donc, je ne bois pas tout votre vin. Je ne mange pas tout le sulstat de groseille, et je fais mon possible pour rester discrète comme d'habitude. » Comme d'habitude, il mit un instant à comprendre la boutade, mais à ma grande surprise, il répondit en s'inclinant avec un rien de raillerie. « Voilà ce qu'est venu apprécier en Elfini l'intrépide Elgara, le vin et le sulstat. » C'est aux paroles du roi Imrold que je pensais en franchissant le dernier col. Soudainement, en contrebas, j'eus enfin devant moi les fameuses cataractes de Skumliv, dont la brume d'écume semble construire un chapiteau moussu parcouru d'une myriade d'arcs en ciel suspendus entre les falaises qui entourent le cirque immense duquel partent les quatre rivières qui offrent à l'île de feu leur luxuriante beauté. J'ai bien des fois revu ce paysage depuis. J'éprouve toujours cette poignante sensation de beauté intangible et sereine. De la hauteur du col, les chutes semblent gigantesques. Je les contemplais un long moment, émerveillé et embahi de cette gratitude qui m'est si coutumière en Elfini. Je commence à descendre lentement par le passage étroit et singulièrement inconfortable pour un chemin elfique. Inexplicablement, plus je m'approchais de l'écume qui semblait recouvrir l'ensemble des trois lacs dans lesquels l'eau se précipitait en grondant, plus je sentais une étrange sensation, comme un engourdissement très léger, mais dans un même temps envahissant. J'étais seul, mes compagnons s'étant séparés le matin même. Yves-Gur avait fait halte un peu avant le dernier défilé vers les chutes afin de saluer un de ses amis. J'avais continué seul comme je l'avais désiré au départ. Je commençais à me demander si je ne devais pas rebrousser chemin lorsqu'un sifflement se mit à résonner, semblant venir de tous les côtés à la fois. Un sifflement aigu et sourd dans un même temps, comme si toutes les amplitudes d'un espace sonore gigantesque s'exprimaient en même temps. Je n'avais jamais ressenti cela. J'essayais de garder à l'esprit que je devais remonter, ne pas me perdre dans ce cri assourdissant. En vain. Tout en moi semblait ralenti comme captif d'un autre temps et d'un autre espace plein de ce sifflement si lourd. Ma vue se troublait. Ma respiration devenait rauque et pénible. Il me semblait que j'étais consumé d'un feu intérieur et extérieur. Je tentais vainement de m'accrocher à quelque chose en moi ou autour de moi, et soudain, je ne sais jamais pourquoi, je me rappelais cette phrase du roi Imrold. « Vous verrez bien les secrets de mon île. » Et en me redressant douloureusement, je hurlais par-dessus la falaise. « Le roi a dit que je connaîtrais les secrets de l'île. » Le fracas redoubla. Il me semblait que tout se déchirait en moi et autour de moi. Même la peur m'avait quitté, pour faire place à un amalgame de sensations étranges, de perceptions insolites. Mes sens étaient décuplés, et je réalisais que ce n'étaient pas mes propres sens, mais une infinité de traces, comme des empreintes diverses, qui auraient été en moi sans l'être. Comme un sillage, venant d'un autre moi-même, et pourtant à l'encontre de tout ce que j'étais. Tout d'un coup, une évidence et un grand calme s'imposèrent à moi. Je mis lentement un genou à terre, et saluait à la façon elfique. Je gaspillais ce qui me sembla être un temps infini pour me présenter, décliner mes titres, et enfin, après mon dernier nom, Elgara, j'ajoutais « Le seigneur Tully vous aura parlé de moi puisque c'est pour vous voir qu'il m'a offert son feu. » Le sifflement si lourd et envahissant se retira insensiblement et sembla-t-il précautionneusement de mon être. Je pus à nouveau respirer librement. Ma vue redevint normale, le feu s'apaisa lentement. Je me retrouvai après ce qui me sembla être une éternité à genoux dans la bruyère fraîche qui couvrait l'escarpement rocheux sur lequel je me trouvais au moment de l'échange avec cet être mystérieux et insaisissable. Seule la blessure de mon épaule droite gardait la marque douloureuse et perceptible du feu qui semblait m'avoir envahi. Lorsque j'eus la force de regarder autour de moi, je commençai à distinguer en contrebas des reliefs de ce qui me sembla être un pont, et venant vers moi, un groupe de personnes. Je fus soulagé lorsque je découvris s'approcher à grands pas une personne de ma connaissance. Cela me rassura immédiatement de le savoir si proche à ce moment précis. Le sage Ulgar, c'était lui qui s'avançait si prestement vers moi, semblait préoccupé, mais son visage se rasséréna lorsqu'il me vit debout. Ulgar, féru de minéralogie et de géologie, de des hautes sciences des pays elfiques, est un de ces êtres assoiffés de connaissances et curieux plus qu'un elfe lui-même, comme le taquine avec humour le sœur Ixelle qui le surnomme volontiers le volubile, car il est totalement dépourvu de cette placidité un peu austère que l'on retrouve parfois chez les êtres supérieurs en sagesse et en profondeur. Je l'avais rencontré plusieurs fois lors de quelques cérémonies, et ses entretiens si passionnants avaient prolongé plus d'une soirée. Un elfe gris l'accompagnait comme il se doit, et j'eus la surprise de voir mon ami la fée Nimelza, qui se tenait légèrement en retrait accompagnée d'un personnage avenant vêtu de blanc que je n'avais jamais rencontré. Nimelza, l'ami si cher, que m'avait présenté la reine Odeline, se joignit à Ulgar pour me souhaiter la bienvenue. Son visage rayonnait encore plus que d'habitude, il semblait émaner d'elle un enchantement rare et précieux. Elle me présenta son compagnon, Oshortre, dont le nom étrange m'indiqua qu'il venait de l'île de Tulle, dont je maîtrisais mal encore le langage. Fort heureusement lui-même parlait l'elfique commun d'une façon admirable. Son vêtement blanc indiquait qu'il avait une charge officielle, mais le moment n'était pas aux questions et nous nous contentâmes d'un bref salut de circonstance. Je fis ensuite brièvement connaissance avec l'elfe gris qui n'engagea aucune conversation et ne déclina pas ses noms. Les elfes gris le font extrêmement rarement. Mais son regard aigu remarqua avant quiconque que ma blessure à l'épaule m'empêchait de tenir correctement mon léger bagage. Il se contenta avec un bref signe de tête de me saluer et sans rien dire me déchargea de mon fardeau. Le regard serein et affable de ce comité d'accueil me fit comprendre que personne ne parlerait de ce qui venait se passer si je n'en parlais pas la première. Le sage Ulgar me dit seulement, après les premiers instants de nos amicales, bien que cérémonieuses retrouvailles, « Votre voyage a été riche de découvertes. » Je me contentais de répondre à la façon elfique, « Comme cela doit être, sinon pourquoi le faire ?» Là est un des paradoxes qui existent en Elfinie. Certaines choses ne sont pas exposées et sujettes à bavardage, elles sont comme posées dans l'être de chacun. Qu'aurais-je gagné alors à raconter une expérience intérieure qui ne pouvait être réellement exprimée, et qu'auraient acquis les visiteurs à le savoir? Seul Tully aurait pu réellement comprendre, ou celui qui avait entendu mes mots et m'avait si étrangement libéré. Lui seul, probablement, le moment venu, répondrait éventuellement à mes questions. Très vite, notre petite compagnie arriva au pied des cataractes. Plus je découvrais Skoumliv, plus j'étais émerveillé et médusé devant les gigantesques chutes d'eau, dont le fracas remplissait les oreilles, mais dont en réalité on apercevait d'en bas que l'écume chargée du chatoiement du soleil qui depuis le haut des falaises miroitait à travers l'écume en une espèce d'explosion de couleurs. Chaque parcelle de cette brume infime semblait contenir un arc-en-ciel qui se démultipliait à l'infini. Ce qui m'avait semblé être un pont était en réalité un ponton taillé dans une roche sombre qui paraissait être pailleté d'or tant il brillait au milieu de cette masse arachnéenne de brume et d'éclats multicolores. Encore aujourd'hui, après tant de séjours en Elfinie, je demeure surpris du travail d'orfèvre des artisans elfiques qui travaillent la pierre avec une si haute conscience de sa texture. Ils savent mieux que quiconque exploiter le moindre reflet du mica si présent dans toutes les contrées elfiques. Je ne fus pas surprise d'embarquer dans un étrange esquif qui tenait plus d'une nacelle élégante et légère que d'une simple barque dont se servent les elfes pour traverser les cours d'eau. Le bac était en bois d'un jaune pâle et satiné, la coque très légèrement incurvée, peu effilée à la proue, s'élargissait à la poupe pour laisser la place à un cercle de sièges confortables. La coque soutenait aussi une série de pilotis et des arabesques dont les volutes soutenaient un large dais de la même matière que les voiles légères des voiliers qui sillonnent les contrées elfiques. J'en compris l'utilité lorsque notre embarcation s'engagea dans l'étroit passage entre deux chutes d'eau et nous amena avant un portail de granit si haut que je n'en distinguais pas la fin. Il était finement gravé à mi-hauteur de formules étranges qui étincelaient comme si les diamants s'y étaient enchâssés. J'appris par le sage Ulgar qu'il s'agissait non seulement de diamants, mais aussi d'émeraudes, de saphirs, de rubis et de toutes sortes de pierres précieuses dont les hautes vibrations garantissaient une solide protection en même temps qu'un utile ornement dont tout édifice elfique, royal qui plus est, ne saurait se passer. Le portail pivota lentement sur des gonds invisibles et silencieux et nous offrit la protection du lac souterrain dont les eaux émeraudes, d'une somptueuse transparence, formaient un écrin lumineux sous notre esquif. Un silence paisible nous entoura progressivement au fur et à mesure de la fermeture lente du portail massif. Puis, un clapotis doux autour de notre embarcation nous enveloppa et je pus admirer la voûte opalescente, dont la variété de couleurs semblait le reflet des iridescences colorées qui inondaient l'extérieur de la grotte. Nous étions arrivés au seuil de la plus précieuse et de la plus secrète des bibliothèques elfiques.